mercredi 7 novembre, le corps de Christ. L'image la plus connue de l'Église est celle qui exprime le mieux l'unité de ses différentes parties et peut-être celle du corps de Christ. En effet, comme le corps est un tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part, selon 1 Corinthiens 12, les versets 12 et 27. Tout comme un corps est une unité indivisible constituée de nombreuses parties différentes, chacune avec sa fonction et sa responsabilité distinctes, de même est l'Église en tant que corps du Christ. Lisez 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 26. En quoi cette image d'un corps composé de nombreuses parties s'applique-t-elle à votre Église locale ? En quoi s'applique-t-elle à une organisation mondiale comme l'Église adventiste du septième jour ? Ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 12 nous enseigne une réalité profonde. La véritable unité chrétienne ne se produit pas seulement dans la diversité et certainement pas malgré la diversité, mais plutôt à travers la diversité. Ne soyons pas surpris que le Saint-Esprit soit la source de ces expressions de diversité. Tout comme le corps humain est à la fois incroyablement coordonné et étonnamment divers, ainsi est le corps du Christ dans l'idéal, qui à travers cette diversité exprime la complétude et la richesse du corps de Christ. Cette image nous parle directement en tant qu'Église. Ces dernières décennies, l'Église adventiste du septième jour a connu de rapides progrès en termes de croissance. L'Église adventiste est constituée de gens issus de tous milieux et de toute culture inimaginable. Nous ne devons pas laisser nos différences en termes d'ethnie, de culture, d'éducation ou d'âge nous diviser en Christ. Au contraire, cette diversité doit être façonnée par le Saint-Esprit comme une force d'unité qui révèle la vérité suivante. Malgré ces différences, nous sommes tous un en Christ. Comme nous l'avons vu, au pied de la croix, nous sommes tous égaux, qui que nous soyons, ou quel que soit l'endroit d'où nous venons. Alors que le monde autour de nous est de plus en plus divisé, l'Église doit démontrer que l'unité dans la diversité est à notre portée. Le peuple de Dieu peut manifester la puissance de guérison et de réconciliation de l'Évangile. Chose étonnante, Paul nous dit comment atteindre cet idéal. Le Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Quand chaque croyant est relié spirituellement à Christ, tout le corps bénéficie par conséquent de la même nourriture. Nous ne saurions donc trop insister sur l'importance d'étudier la parole de Dieu, d'obéir à ce que nous y apprenons, et de vivre au quotidien l'adoration et la prière d'unité dans le corps de Christ.